Chapitre 11. Le Kamzin. Retour à Delhi et départ vers le Rajputana. Ouloir. Les écuries du Raja. Son cousin, son artillerie à dromadaire. Son chenil de guépard, son palais et sa panthère noire. En route pour Jaipur, à travers les territoires tributaires. 6 avril. La température est insupportable. Un lourd vent d'ouest charrie des nuages de sable brûlant dont les grains impalpables pénètrent jusque dans nos montres. Devant ce Kamzin, les buffles s'enfoncent jusqu'aux oreilles dans les mares d'eau stagnante tandis que les bœufs, plus nobles, se contentent de tourner leur croupe à l'incendie mouvant et de fermer les yeux. Tout autour de nous, sous le ciel embrasé et bas comme une voûte, la plaine s'étend, nue, dans un poudroiement de fournaise. Note, Kamzin, vent de sable. Simoun, asiatique. Fin de note. Nous passons notre temps à faire tourner les volants en vétiver qui remplacent les vitres de nos wagons. Mais l'eau des réservoirs se volatilise avec une rapidité telle qu'à moitié route des stations, il n'en reste plus. À 4 heures, nous sommes à Delhi. À 4h15, au Traveler's Bungalow, à 4h20 dans nos baignoires. Nous repartons à 10h pour Ouloir par un train mixte, le paria des convois de l'Inde. Naturellement, il n'y a pas de wagon pour les Européens. Nos boys organisent tant bien que mal notre dispositif de nuit dans un box de troisième ordre. Le chef de train donne des ordres pour que nul natif ne pénètre chez nous. Et que Morphée nous soit propice. Après nous être retournés 100 fois sur notre grille de bois et après avoir fait subir à nos couvertures toutes les déformations possibles, nous nous endormons. Les chansons naïves et monotones d'un harem en déplacement parqué dans le wagon voisin du nôtre ne sont pas étrangères à cet assoupissement. 7 avril. Au réveil, notre train court sans trop se presser, entre deux chaînes de collines formant un long défilé à l'extrémité duquel, vers le sud, des hauteurs bleues se dressent comme un paravent. Des oiseaux de toute espèce font leur prière du matin, avec un ensemble tel que notre train semble glisser à travers une volière. En outre, de grosses perdrix grises, des grues et des paons picorent dans les champs ou trotte le long de la voie. À 7h30, nous sommes en gare du Loir. L'expression « en gare » est peut-être un peu prétentieuse, mais quand on est chez un prince, il faut savoir être courtisan. L'État indépendant du Loir, ainsi appelé du nom de sa capitale, est une des 12, 13 ou 14 provinces tributaires du Rajputana. Son étendue est de 7 832 km² et sa population est de 800 000 habitants environ. C'est Vivienne Saint-Martin qui m'apprend tout cela. Comme je ne garde rien pour moi, je m'empresse de vous en faire part. Ouloir est gouverné nominativement par un souverain, Raja, et effectivement par un docteur anglais, résident. D'ailleurs, tous les princes indépendants sont logés à la même enseigne. Zuz un peu, mon bon, s'il n'était pas indépendant. Sans donner mon avis sur le rôle suffisamment connu des résidents auprès des princes indiens, je dirais que ces fonctionnaires sont des gendarmes déguisés en bonnes d'enfants, et souvent même pas déguisés du tout. Non loin de la station est le bungalow des étrangers, où nous élisons domicile. Note. Le bungalow est une bâtisse très simple à la disposition du ou des premiers voyageurs venus. Moyennant 1 roupie par jour, on peut s'y éterniser, à moins qu'un deuxième occupant ne se présente. Dans ce cas, il faut lui céder la place. Des boys sont gratuitement à la disposition des voyageurs. Fin de note. Notre arrivée ayant été signalée, le Raja, residente et probante, met gracieusement à notre disposition une de ses calèches et joint à cet envoi son cousin, Kudabas Khan, commandant de sa garde, officier d'une belle prestance et d'une politesse parfaite. Notre premier soin est d'aller, en ce galant équipage, déposer au palais d'été, actuellement occupé par le prince, deux cartes, l'une pour sa hôtesse et l'autre pour son tuteur. Puis nous commençons notre tournée par la visite des écuries contenant environ 300 chevaux. Le cocher en chef nous donne beaucoup d'explications sur les différentes races chevalines de l'Inde et nous assure que son maître possède 4000 chevaux en comptant sans doute ceux de sa cavalerie. Je laisse à ce phaéton Rajput la responsabilité de son assertion. Je retrouve là quelques beaux Arabes, des Australiens, des purs sang anglais, quelques Hindoustanis et surtout plusieurs spécimens typiques d'une race que j'avais déjà remarquée sans qu'on pût me dire son nom ni son origine. Les animaux de cette espèce sont de haute taille, leur tête est fine, leur encolure bien sortie et leur croupe longue et horizontale est complétée par une belle attache de queue. Voilà les qualités de ces Kathiawars, mais leurs défauts sont nombreux. Le garrot est noyé, le dos plongeant et le rein long. De plus, les membres sont souvent grêles et les pâturons longs et bas-jointés. L'élève de cette race reconnaissable au premier aspect à ses oreilles hélicoïdales très rapprochées se fait dans la province du Kathiawar située au nord de Bombay. Le plus grand reproche qu'on puisse faire encore à ce cheval est son manque d'énergie. Néanmoins, les Rajas l'apprécient beaucoup à cause de sa distinction. C'est le véritable palefroid asiatique. J'en compte plus de 20, dont la crinière et la queue sont ornées de boules et d'anneaux d'or, incrustés de pierres précieuses. Les stalles et les boxes en marbre blanc et en briques sont très soignés. Les gardes d'écurie sont à leur poste. On se croirait à Saumur. Outre la longe qui le retient au râtelier, chaque animal est pris par les pieds de derrière dans une entrave fixée à une longue corde. Un anneau planté en terre dans le prolongement de l'axe normal du cheval permet de tendre plus ou moins la corde, suivant le besoin. Ce mode d'attache est commun aux Anglais et aux indigènes. Il empêche les prises de longe, maintient le cheval à sa place et tempère les ruades, sans gêner en rien le coucher. Hormis ses écuries, la résidence d'été, construction sans style, entourée d'un parc médiocrement entretenu, n'a rien de bien remarquable. Au moment où nous revenons sur nos pas pour gagner la ville, un des fils du Raja passe, chevauchant un arabe blanc somptueusement harnaché. À sa gauche est un palefrenier à tout craint, et à quelques pas en arrière, son vieux frimousse ferme la marche, perché sur un dromadaire. Ce petit duc asiatique nous rend très dignement notre salut. Un peu plus loin, nous croisons une batterie d'artillerie à dromadaire, revenant de la manœuvre. En 1799, ce me semble, Bonaparte avait organisé en Égypte une semblable espingolerie, dont il fut médiocrement satisfait. Serait-ce sa liquidation? En nous dirigeant vers le grand palais du prince, construit au pied du cirque de rochers élevés dominant la ville, nous passons devant le Graal, puis devant le chenil. Je dis chenil parce que cette expression impropre exprime, mieux que le mot ménagerie, ce dont il s'agit. En effet, sur des lits de sangle, semblables à ceux des simples mortels, sont étendus, couchés ou assis, une vingtaine de lynx et de guépards, attachés seulement par la ceinture à une chaîne lâche. À notre approche, leurs valets leur font prendre une attitude plus militaire, et comme nous descendons de voiture, ces félins viennent nous lécher les mains, mais à la façon d'une râpe. On utilise ces animaux pour prendre à la course les antilopes, les renards, les chacals, etc., etc. Le prince Kadour, je me trompe, coup d'abasse, nous dit que le dressage de ces étranges chiens courants exige beaucoup de temps et de précautions. Je le crois facilement, sans y aller voir. Nous poursuivons notre route à travers la ville indigène, curieuse même en arrivant d'Umritsar et, après avoir franchi plusieurs bastionnés, coquettement armés de canons dorés, nous arrivons au palais. Une porte massive donne d'abord accès dans une cour intérieure, dallée de marbre. Au fond de cette cour, encadrée de vastes bâtiments à balcons, s'élève une haute terrasse supportant le corps de logis principal. Plus en arrière encore est un lac sacré entouré d'édifices religieux. Les salles de réception sont très originalement décorées d'arabesques, de moulures et de fines peintures rehaussées de petits miroirs. C'est ce que nous avons vu encore de plus réussi en ce genre. Un magnifique bow window à clocheton, balustres et arceaux découpés d'une façon charmante donne sur ce lac où plus de 100 personnes font présentement leurs ablutions. Le lieu est sacro-saint. Aussi ne nous est-il pas permis de fouler de notre pied profane les superbes gradins formant trois terrasses successives agrémentées de constructions aussi élégantes que difficiles à expliquer. Une splendide mosquée de marbre blanc orne le côté ouest du lac. Sa coupole supérieure repose sur quatre autres coupoles épinglées d'or, supportées par trois terrasses à clochetons étranges. Comme repoussoir à cette sorte de blanc éventaire, se dresse à pic une puissante falaise de rochers noirâtres dont les pointes principales sont coiffées de châteaux à créneaux byzantins et à mâchicoulis de grès rose. Sans m'étendre inutilement sur la végétation des jardins publics et sur les nombreux animaux féroces de la ménagerie du prince, je signalerai seulement une panthère noire, aux yeux verts et aux oscillations mates, faisant l'effet de moire sur du velours. Si le vieux dicton de Vénerie, ventre plein sonne bien, mais ventre creux sonne mieux, est vrai, nous devons être présentement en forme pour expérimenter sa deuxième partie. Les trompes faisant défaut, nous nous rabattons sur le déjeuner hétéroclite préparé à notre intention par le gardien du bungalow. Puis, après cette curée chaude, nous allons à la station attendre le train de Jaipur. Non, toutefois, sans avoir délivré au commandant Kudabas Khan sur sa demande un certificat de bonne vie et mœurs scellé d'une vigoureuse poignée de main. Tout le pays au sortir de Loire, mal cultivé comme la majeure partie des territoires indépendants, est semé de pitons nus comme la main. En revanche, les positions importantes au point de vue militaire sont marquées par des forteresses dont les tours massives et les murs crénelés se profilent en festons menaçants. À leurs pieds dans les bas-fonds, quelques bosquets touffus reposent la vue. Par exemple, beaucoup de gros gibiers dans les champs de cette contrée féodale, entre autres des paons, des antilopes, des gazelles, des perdrix, des outardes et des sangliers. Un superbe oiseau de proie suit pendant un kilomètre notre train. Son corps est blanc bleuté, le dessus de son dos marron et l'extrémité de ses ailes noires. Plus nous avançons, plus la plaine devient triste et nue. De gigantesques sillons, creusés dans le sable, comme par le passage d'énormes serpents, marquent le lit des rivières, à sec, depuis plus de 6 mois. Ça et là, de longues caravanes de dromadaires, aussi jaunes que le désert, cheminent la tête basse à cause du vent de sable. Pas un arbre, pas un arbuste, c'est l'abomination de la désolation. Enfin, vers le soir, nous apercevons quelques touffes de cocotiers, derrière un bourrelet de dunes, puis des manguiers, puis des jardins, puis un tas de maisons proprettes. Voici Jaipur. Fin du chapitre 11.